j'étouffe le cri des chiens. Entre les rangs de barbelés, camoufle les épieux, cache les mines normalisées. Dans les miradors, les gardiens tirent à vue sur tout ce qu'ils pensent, tirent à vue sur tout ce qui rêve, tirent à vue sur tout ce qui rêve. Passer le mur, marbreteur de couleur charbon, son hôtel, son néon. Passer le mur, marre de faire la queue pour le nécessaire, le rien quotidien, courir dans la lumière, dans un mur nu, dépasser les barrières. Guerre étouffe le cri de la faim dans les déserts, dans les bidonvilles de cauchemars. Et les témoins villages de tentes, ventre gonflé, les yeux bouffés. Pavane jusqu'à Bangkok. Voilà.